Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la longue et dure bataille menant à la création du régime d'assurance maladie au Canada. Everything will be exactly the same as it is now, except one simple thing. That is that instead of the doctor sending the bill to you, he will send the bill to the medical care plan. Le premier ministre de la Saskatchewan, Tommy Douglas, en 1962, au moment où l'assurance maladie est sur le point d'entrer en vigueur dans sa province, Tommy Douglas explique à ses concitoyens que la seule chose qui va changer avec l'assurance maladie, c'est que le médecin qui vous a soigné va désormais être payé par l'État et que vous ne recevrez donc plus sa facture comme avant par la poste. Tommy Douglas, qu'on considère souvent comme le père de l'assurance maladie au pays, a participé deux fois plutôt qu'une, en Saskatchewan d'abord, puis au Parlement d'Ottawa ensuite, à cette longue bataille qui va finalement mener à l'établissement d'un régime public de santé au Canada. This was a commitment which was made by the government of Canada to the provinces of this country. En 1966, le gouvernement du Canada s'est engagé envers les provinces de ce pays afin de les inciter à élaborer un programme d'assurance maladie. Les provinces sont venues s'asseoir à la table, certaines d'entre elles même un peu à reculons. Non pas par manque d'intérêt pour les problèmes de santé de la nation, mais parce qu'elles avaient des ressources financières très limitées. Elles savaient qu'avec l'assurance maladie, leur système de santé serait submergé et que les ressources en place ne suffiraient pas à répondre à l'ampleur de la demande. Would not be able to cope with the magnitude of the demand for medical and diagnostic services. And their concern was allayed. Le gouvernement fédéral les a rassurés en mettant à leur disposition un fonds de 500 millions de dollars qui devait les aider à répondre à leurs besoins et à améliorer leurs infrastructures sanitaires. Les provinces ont donc adhéré à la proposition du fédéral en s'appuyant sur cette entente. And the provinces came in on that understanding. Tommy Douglas à nouveau, cette fois à titre de chef du NPD lors d'un discours à la Chambre des communes à Ottawa le 2 février 1979, au moment où le gouvernement Trudeau cherche à réduire ses dépenses en santé. Le gouvernement central cherche à aller chercher 80 millions de dollars à ce moment-là. Pour retracer les grandes lignes de cette longue bataille pour la création d'un régime public de santé au Canada, je reçois André Bilodeau, qui est médecin à la retraite, professeur d'histoire de la médecine et de médecine familiale au campus de l'Outaouais de l'Université McGill. André Bilodeau, bonjour. Bonjour. On l'a un peu oublié, puis c'est ce qui est fascinant dans l'histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui, André Bilodeau. On a un petit peu oublié avec le temps que la création de ce régime-là, le régime universel d'assurance maladie, ça s'est fait au prix d'une très longue, d'une très, très dure bataille entre le milieu politique d'une part et entre celui des assureurs privés et des associations médicales du pays d'autre part. Rappelez-nous un peu quelle ampleur elle a eue, cette bataille, quelle importance aussi à cette bataille, justement. Bien, la force, c'est, comme vous avez dit, c'est une bataille qui a duré longtemps. Ça a pris trois décennies. Donc, avant les premiers, l'entrée dans la vie politique de Tommy Douglas en 1940, autour de 1940, jusqu'à la fin et à la création par la loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec, qui a été la dernière province à compléter ce processus-là. Donc, pendant ces 30 années-là, c'était beaucoup de discussions et beaucoup d'affrontements entre, d'une part, comme vous avez dit, les gouvernements, et je dirais les gouvernements parce qu'il n'y a pas qu'un gouvernement, il y a eu le gouvernement, d'abord, on va voir de la Saskatchewan, mais après ça, du fédéral, plus de chacune des 9 autres provinces, et deux grands groupes importants et puissants. D'un côté, le corps médical qui s'opposait, qui voyait dans cette démarche-là une sorte d'intrusion à l'intérieur de leur champ de pratique ou de leur autonomie médicale, et également les compagnies d'assurance qui voyaient une perte de leurs revenus à l'intérieur de ce projet-là. Et on va l'avoir réussi au fond parce que des gens vont s'être passé le flambeau et vont l'avoir porté pendant ces trois décennies-là. Des alliés que je dis improbables, parce que d'un côté, vous avez le socialiste, ou presque, Tommy Douglas, et de l'autre côté, des conservateurs, le premier ministre John Diefenbaker et le juge Emmett Hall, qui vont venir à la fin au fédéral implanter le projet. Avant de s'attaquer à cette bataille-là, très longue, donc sur trois décennies, un petit mot, André Bilodeau, pour nous rappeler à quoi ressemblait la situation avant la création de ces systèmes-là. Comment fonctionne le système de santé canadien avant la création de l'assurance maladie? En fait, au Canada, comme c'est le cas dans une majorité des pays à ce moment-là, les frais de santé sont privés et une partie des gens doivent s'assurer auprès de compagnies d'assurance pour pouvoir couvrir les frais de santé, que ce soit les consultations médicales ou les hospitalisations, un peu comme on fait quand on va à l'étranger et qu'on s'achète des assurances pour la durée d'un voyage. Mais c'était le cas pour l'ensemble des gens. Évidemment, les communautés religieuses au Québec, puis aussi également à l'extérieur, mais aussi les villes, vont s'être investies dans des hôpitaux, soit des hôpitaux religieux ou des hôpitaux civiques, et qui vont donner des services, mais ultimement, il va falloir quand même que les gens déboursent de leur poche les soins de santé. Et c'est à ce moment-là quand même important, et ça pouvait représenter, dans le cas des gens qui avaient des maladies, une grande partie de leur avoir qu'ils devaient investir à l'intérieur des services de santé. Oui. C'est encore pire à la fin des années 20, parce qu'on sort de la Grande Guerre qui a tué d'une part 50 000 jeunes Canadiens et qui a estropié ou rendu invalide un autre 150 000, plus évidemment les effets de la grande pandémie de H1N1, dite la grippe espagnole, qui a tué un autre 60 000 personnes au Canada. Donc, une période qui est particulièrement difficile, qui va amener d'ailleurs jusqu'à la Grande Dépression par une sorte de château de cartes économique qui va faire en sorte que le taux de chômage va augmenter continuellement et que les gens vont être de plus en plus pauvres. Donc, une très grande précarité des gens par rapport à la survenue de problèmes de santé qui va se présenter particulièrement en Saskatchewan puis au Manitoba et qui va faire en sorte que presque un tiers de la population n'a aucune forme de couverture pour des soins médicaux à ce moment-là. Bon, vous parlez de l'Ouest, la situation dans les prairies qui est particulièrement difficile, l'Ouest canadien. C'est cette région du pays qui sera un peu le berceau de l'assurance maladie au Canada. Et on revient à cette figure importante qui est celle de Tommy Douglas. C'est lui qui, le premier, va créer ce régime public de santé au Canada. Un petit mot pour nous dire d'abord qui il est. Nous rappeler qui il est, Tommy Douglas, André Bilodeau, et pourquoi il se décide de se lancer dans cette longue bataille, dans ce qui va être une longue bataille pour la création d'un régime de santé publique. Alors, Tommy Douglas est né en Écosse. Il va émigrer très tôt, à l'âge de 7 ans, au Canada. Et juste avant d'immigrer, il va se blesser au genou, qui va faire en sorte qu'il va avoir une maladie, une infection chronique du genou, des os, qui vont faire en sorte qu'il va être très malade. Et quand ils vont arriver ici, ses parents sont pris devant une sorte de dilemme, c'est-à-dire la seule possibilité qui s'offre à eux, étant donné leur indigence, c'est l'amputation. Et heureusement, il va y avoir un médecin orthopédiste qui va sauver, qui va décider de payer de lui-même les frais de santé pour Tommy Douglas et qui va sauver son genou. Cet élément-là, cette histoire-là va marquer le jeune Douglas puis va supporter l'ensemble de sa décision envers un système de santé parce qu'il disait que c'était pas possible qu'on puisse comme ça, que la vie ou la jambe d'un enfant dépende de la richesse de ses parents. Donc, il va aussi être témoin de la grève à Winnipeg en 1919 qui va faire en sorte qu'il va voir une grande répression. Il va devenir très sensible à la pauvreté et au fait que les gens sont mal pris. Et ce qui va faire en sorte qu'il va joindre le Cooperative Commonwealth Federation qui a été fondé en 1934 et il va en devenir le chef en 1942. Et en 1944, sous la promesse d'un système de santé publique, il va devenir le premier chef d'un gouvernement socialiste en Amérique du Nord. Ouais. Et c'est comme premier ministre de la Saskatchewan qu'il va donc poser la première pierre à ce qui éventuellement deviendra le système d'assurance maladie en Saskatchewan d'abord, mais ensuite dans tout le pays. Parlez-moi de cette première étape. Qu'est-ce qu'il fait à partir du moment où il arrive au pouvoir en 1944? En fait, il y avait deux éléments à son programme. D'un côté, l'assurance hospitalisation, qui va très rapidement implanter. Donc, il va faire en sorte qu'on va rembourser les hôpitaux pour les coûts de soins de santé. Et il va en construire des nouveaux. Il va aussi installer une faculté de médecine en Saskatchewan. Mais il va rester le problème de tout le paiement des médecins. Et c'est cette portion-là qui va prendre trois élections, qui va prendre presque 20 ans avant qu'il arrive à pouvoir avoir un compromis avec l'Association médicale de la Saskatchewan. Parce que les médecins s'y opposent. Et il va d'ailleurs arriver par une élection de type fait référendaire à imposer le Saskatchewan Medical Care Insurance Act en 1960, et ça va nous amener jusqu'à la grève, parce qu'il va, la, la, la nouvelle loi doit prendre effet le 1er juillet 1962. Et cette journée-là, les médecins de la Saskatchewan déclenchent une grève générale et importante. La grève des médecins de la Saskatchewan, qui a déjà soulevé des échos dans la région métropolitaine, vient de provoquer une nouvelle protestation. Une vingtaine de médecins, d'intellectuels, d'humanistes, a envoyé au Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan un télégramme lui demandant de voir à ce que la grève finisse et que les négociations reprennent avec le gouvernement. On sait que les médecins de cette province se sont mis en grève pour protester contre la façon dont le gouvernement provincial veut appliquer son plan d'assurance santé. René Ferron interroge un des signataires du télégramme, le docteur Denis Lazure, directeur du service de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Justine. Docteur Lazure, vous avez dit que l'action des médecins de la Saskatchewan était une action irresponsable. En quel sens cette action est-elle irresponsable? Premièrement, en ce sens qu'elle met en danger la vie de citoyens de la province de Saskatchewan. Et deuxièmement, parce que aussi longtemps que les médecins s'objectaient à des clauses particulières de la loi en question, il était normal qu'une telle chose se produise et on pouvait parler d'une opposition responsable. Mais le jour où le Collège des médecins demande et exige le rappel pur et simple de la loi, même après que le gouvernement eut fait plusieurs concessions importantes, à ce moment-là, on peut parler d'une opposition irresponsable. Extrait de l'émission Métro Magazine du 5 juillet 1962. Donc, avant d'entendre cet extrait, on a bien compris, André Bilodeau, que la réforme en Saskatchewan, elle se fait en deux temps. L'assurance hospitalisation, ça passe assez bien et assez vite, parce qu'au fond, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où je vais à l'hôpital, je n'ai plus à payer, c'est l'État qui paye, mais le régime public complet, où c'est l'État qui paye les médecins, où je ne reçois plus la facture du médecin pour des soins qu'il m'a donnés, ça pose pas mal plus de problèmes. C'est ça qui est au cœur de cette grève de 62, non? Exactement, parce qu'en fait, ce qu'on voyait, il faut se remettre dans l'esprit du temps, et c'est cette peur ou cette hantise du socialisme, vous savez. Puis c'était ça dont on accusait le gouvernement de la Saskatchewan, c'est de créer une médecine socialiste. Et la grève va être tout à fait sauvage, là, comme on l'a entendu, parce qu'au fond, il y a des gens qui vont se frapper à des urgences qui vont être fermées, il y a des personnes qui vont mourir, il y a l'histoire d'un enfant qui a dû faire plusieurs hôpitaux et qui finit par mourir d'une méningite. Et ça va faire en sorte que partout au Canada, mais au Québec, comme on a vu, mais même à l'étranger, à Londres et aux États-Unis, on va parler de cette grève-là. L'Observateur de Londres écrira d'ailleurs « La suppression des services représente plus qu'une grève, c'est une mutinerie. Les médecins rejettent la meilleure tradition de ce qu'on appelait autrefois une profession noble. » Voix à laquelle se joignent également les éditorialistes du Washington Post qui disent « Les médecins de la Saskatchewan sont malades, malades, malades. » Alors, c'est une grande crise, une crise de confiance, au fond, que ça va créer entre la population et le corps médical, qui va faire en sorte qu'au lendemain, une fois qu'on va avoir réglé cette question-là, il va rester une sorte de rancœur dans la population qui s'est sentie trahie par ces gens-là en qui ils faisaient tellement confiance. Mais c'est quand même Tommy Douglas qui remporte cette bataille-là. Puis il faut le rappeler, vous l'avez dit, mais il a une élection pratiquement référendaire en poche, donc il a l'appui de la population de la Saskatchewan avec lui dans cette volonté de créer un régime public de santé dans sa province. L'exemple de la Saskatchewan va faire des petits. Là, il y a des provinces assez rapidement qui vont s'intéresser à ce système-là, André Bilodeau. Oui, en fait, assez rapidement, la Colombie-Britannique va essayer de s'en inspirer. Encore là, à chaque fois, c'est la même chose. L'assurance hospitalisation, ça va relativement bien, parce qu'au fond, on offre simplement de rembourser les hôpitaux. Mais la partie médicale va rencontrer un peu plus de problèmes. Et quand on va se déplacer vers l'Ontario et le Québec, où sont les plus grosses populations, évidemment, là, on va rencontrer encore plus de résistance, non seulement du corps médical, mais également des compagnies d'assurance qui voient une perte de revenus importante. Mais en même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les coûts en santé avec l'arrivée des nouvelles technologies augmentent et les compagnies d'assurance ont de plus en plus de difficultés à faire face à la réalité, de telle sorte que quand arrive l'épidémie de poliomyélite à la fin des années 50, mais il y a même des compagnies d'assurance qui vont faire faillite à ce moment-là. Oui, intéressant. Et à la fin des années 50, justement, début des années 60, cette bataille-là, le contexte fait que la bataille va se déplacer vers la capitale fédérale. Donc, on va commencé à parler d'un régime public d'assurance maladie à Ottawa. Et Tommy Douglas sera de cette bataille-là aussi parce qu'il est entre-temps devenu le chef du NPD au Parlement fédéral. Il sera donc l'un des alliés improbables, disiez-vous, c'est vrai, du conservateur de l'époque, John Diefenbaker, qui, lui, est le premier ministre du Canada à ce moment-là. Parlez-moi un petit peu de ça, de cette alliance improbable, peut-être en commençant par nous expliquer pourquoi un conservateur comme Diefenbaker décide de s'embarquer dans cette bataille-là qui, pour certains, vous le disiez, est vue comme un glissement vers le socialisme. Oui. En fait, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'au fond, Diefenbaker se retrouve avec une transmission de flambeau de la part du gouvernement précédent, qui était celui de Louis Saint-Laurent puis de Paul Martin, qui ont implanté le régime d'assurance hospitalisation au niveau fédéral. Et aussi la pression de la population canadienne qui voit la décrépitude des soins de santé, qui voit leurs difficultés de plus en plus grandes à y avoir accès et qui voit aussi la Saskatchewan et la Colombie-Britannique maintenant où les gens ont un accès beaucoup plus facile et qui a moins d'impact au long terme sur la capacité de vivre des gens, non seulement pour la santé, mais sur le plan financier également. Oui. Et là, John Diefenbaker va arriver là-dedans, puis il va faire comme un bon premier ministre. Il va aussi y avoir la pression de l'Association médicale canadienne et de l'Association des compagnies d'assurance qui vont lui demander de faire une commission d'enquête ou une commission plutôt parlementaire sur la faisabilité. Mais John Diefenbaker va faire un choix complètement différent. Il va décider de créer une commission royale sur, non pas la faisabilité, mais sur le modèle à implanter. Et c'est là qu'il va aller choisir un autre de ses anciens amis, le juge à la retraite Emmett Hall, qui va venir présider la commission qui va porter son nom, évidemment. Un autre homme qui est originaire de la Saskatchewan aussi, ça ne s'invente pas, mais les trois champions de cette bataille-là viendront tous les trois de la Saskatchewan. Comment ça va se dérouler, les travaux de cette commission Hall? Puis surtout, qu'est-ce que va recommander le juge Emmett Hall? Alors, le juge Emmett Hall, un homme très astucieux, va décider de faire une commission plus technique qu'une commission politique. Donc, il va inviter des chercheurs, il va inviter des économistes, il va inviter des gens de l'organisation à venir avec lui faire le tour de plusieurs pays. Alors, ils vont aller voir le National Health System en Angleterre, ils vont aller en France, en Allemagne, mais également en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Puis, ils vont prendre le meilleur de ces différents systèmes-là, puis ils vont revenir, ils vont faire une commission, évidemment. Il va y avoir plus de 350 mémoires qui vont être déposées. Et le juge va essayer de tenir relativement loin les influenceurs qu'étaient les associations médicales et les compagnies d'assurance pour finalement déposer un rapport en 1967. Mais à ce moment-là, on a encore changé de gouvernement et c'est le gouvernement de Lester B. Pearson qui va recevoir le rapport, qui, lui, est un libéral, mais qui va également aussi avoir devant lui, qui est un gouvernement minoritaire, entre autres parce qu'il y a eu beaucoup de publicité négative à son endroit de la part des compagnies d'assurance. Mais grâce à l'appui du NPD de Tommy Douglas, ils vont réussir à faire voter en 1967 la loi qui va implanter le programme national d'assurance maladie. Mais on sent que ça n'est pas passé comme une lettre à la poste parce qu'il y a des oppositions encore très fortes du milieu médical, de certaines compagnies d'assurance. De fait, comment s'est accueilli ces recommandations de la commission Hall et sur le dernier bout de la course là, pour ce qui est d'Ottawa, comment ça va se passer en fait, cette dernière tranche de la bataille? Bien, en fait, un peu comme les autres à chaque fois, il va y avoir l'opposition énormément. Il va y avoir l'opposition des provinces qui voient là, évidemment, une intrusion dans un champ de compétences provinciales, mais également encore là, dans chacune des provinces, il va y avoir des petites batailles qui vont se mener les unes après les autres. Mais cette fois-ci, la bataille la plus importante va se transposer au Québec, qui va retarder d'une part à prendre part à la décision ou au programme fédéral parce qu'ils veulent revoir l'ensemble du système, ce qui va donner la commission Castonguay-Neveu qui va non seulement regarder la rémunération des médecins, mais qui va également regarder l'ensemble de l'organisation du système. Ouais. Et puis, il y a des choses qui se répètent dans cette histoire-là, dans chacun des épisodes. Autant Douglas, en Saskatchewan, va y aller par étapes, autant il va devoir faire une élection presque référendaire sur son régime d'assurance maladie dans les années 40. L'élection, c'est en 60, là. Autant à Ottawa, ce sera la même chose. On devra y aller d'une élection, celle dont vous venez de nous parler. Puis autant, dans tous les cas, les médecins sont pas contents et déclenchent des grèves. Et ce sera le cas au Québec aussi. Dans les hôpitaux du Québec aujourd'hui, on a dû prendre des mesures d'urgence, précisément parce que les médecins ne répondent plus à l'urgence. Les médecins spécialistes, il faut le dire, sont aujourd'hui réunis en symposium. Ces médecins spécialistes sont ceux qui résistent encore au ministre de la Santé et à l'assurance maladie, tel qu'on l'a adopté à l'Assemblée nationale, Nicole Godin, le 10 juillet dernier. Mais oui, Jean, il faudrait dire que, comme l'appelle le Dr Robillard, ce symposium aujourd'hui ou cette journée d'information, eh bien, elle correspond plutôt à une journée d'études ou à une grève perlée. Oui, au fond, c'est un peu un exemple, sinon un avant-goût, de ce que pourrait être une grève des médecins dans un avenir plus ou moins rapproché. Et en parlant de grève, vous savez, plusieurs spécialistes veulent faire la grève. Enfin, disons que ça se parle dans le milieu des spécialistes. Plusieurs ont voulu d'ailleurs faire une grève le 10 juillet. Le 10 juillet, jour où la loi, le Bill 8, a été votée, comme cela s'est fait en Belgique, comme ça s'est fait en Saskatchewan, le jour même où la loi a été votée. Et ce sont deux des arguments majeurs que pourraient utiliser les médecins, comme en Saskatchewan, soit la grève ou soit aussi la menace d'aller exercer son art dans une autre province ou aux États-Unis. Extrait de l'émission présente du 27 août 1970. Alors, comment elle se déroule, cette fameuse bataille du Québec sur le régime d'assurance maladie? Bien, en fait, comme on a entendu, le 27 août, il va y avoir 4500 médecins à l'aréna Maurice Richard qui vont se rencontrer. Des médecins, il faut le dire, les médecins spécialistes qui s'opposent le plus, parce que les médecins omnipraticiens, qu'on appelle les médecins de famille maintenant, eux vont plutôt voir ça d'un bon œil, parce que c'est ceux qui avaient engrangé le plus de dettes envers les patients qui ne payaient pas. Le corps médical va se scinder en deux. Et deuxièmement, il va y avoir progressivement une mise en grève qui va se dérouler depuis la fin août jusqu'au début d'octobre 1970. Puis, au début d'octobre 1970, il commence à y avoir plus de médecins spécialistes qui ont fermé les blocs opératoires, qui ont fermé les unités de soins. Mais évidemment, on connaît d'autres événements qui vont arriver en octobre 1970 et qui vont reléguer toute cette bataille-là en arrière-plan, qui va faire en sorte que très rapidement, sous la pression politique, les médecins spécialistes vont finir par signer par dépit et qui vont ultimement, le 1er novembre, embarquer dans le nouveau régime d'assurance maladie qui aurait été celui du Québec. Le Québec, donc, étant, on le rappelle, la dernière province canadienne à adhérer à ce régime-là. André Bilodeau, médecin à la retraite, professeur de médecine familiale et d'histoire de la médecine au campus de l'Outaouais de l'Université McGill. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.